Re-salut les cailloux, vous êtes toujours sur Radio Cayenne. Si vous nous écoutez en direct, on est le 23 mars 2020 et je suis en train de me rendre compte que c'est quand même vachement dur de parler toute seule dans un micro. Je voulais parler coronavirus hein, pour faire dans l'originalité du moment. Je voulais parler de coronavirus, je voulais revenir un petit peu sur ce qui s'était passé depuis la dernière fois que vous avez écouté Radio Cayenne. Mais en fait, il s'est passé tellement de trucs que ça va être vraiment dur de résumer. En tout cas, jusqu'au 16 mars, le gouvernement, il était en mode « Oui, d'accord, c'est grave ce qui se passe, mais pas trop. Restez chez vous, mais pas trop. » Avec quand même un summum au moment des élections municipales où là, c'était devenu dangereux de sortir, sauf pour aller voter. Et puis le lendemain de ces fameuses municipales, bam, c'est la guerre. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme et éviter l'esprit de panique. Nous sommes en guerre. Gardez le calme. Pensez printemps. Nous sommes en guerre. Évitez l'esprit de panique. Nous sommes en guerre. Gardez le calme. Avec de la discipline. Nous sommes en guerre. Toute infraction sera sanctionnée. Nous sommes en guerre. Gardez le calme. L'argent ne se mange pas. Nous sommes en guerre, oui. Je vous demande de ne céder à aucune panique, ni au désordre. Nous gagnerons. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Hissons-nous à la hauteur du moment. Donc le gouvernement français, comme d'autres, a décidé d'interdire les déplacements et les regroupements de personnes, sauf pour aller bosser, évidemment, faire ses courses ou aller filer un coup de main à des personnes considérées comme vulnérables. Et dans sa grande bonté d'âme, le gouvernement nous accorde le droit d'aller faire du footing tout seul, évidemment. Françaises, Français, mes chers compatriotes, dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nécessaires pour aller faire ses courses, pour se soigner, pour aller travailler quand le travail à distance n'est pas possible, évidemment. Et les trajets nécessaires pour faire un peu d'activité physique, mais sans retrouver, là encore, des amis ou des proches. Disons-le clairement, depuis 15 jours, on parle de confinement, mais il s'agit bien de restriction de la liberté de circuler et même plutôt d'une interdiction de circuler avec quelques dérogations possibles. Et comme si les mesures qui ont été prises le 16 mars n'étaient pas assez liberticides, ce week-end, le gouvernement a décrété l'état d'urgence qui lui permet de légiférer par ordonnance pour, je cite, « soutenir l'économie » et qui instaure notamment un délit de non-respect réitéré du confinement, puni par une peine d'emprisonnement de 6 mois ferme et 3 750 € d'amende. Alors on peut trouver ça nécessaire de limiter les interactions physiques entre êtres humains dans une situation de pandémie. Je suis pas en train de vous dire sortez tous, rien à foutre de cette épidémie. Par contre ce qui m'interroge c'est ce que les États mettent en place pour forcer les gens à rester chez eux et les objectifs qu'ils poursuivent. Vous vous dites peut-être que ces mesures qui font ressembler la France encore plus à un État fasciste sont nécessaires pour juguler la pandémie. Mais c'est quand même difficile à croire. C'est difficile parce que ces mesures, elles sont contradictoires. D'un côté, on nous dit « attention, sortez pas, vous allez attraper la mort et la refiler à tout le monde ». Et d'un autre côté, tout un pan de la production industrielle et des services continue à être assuré. Est-ce que ça veut dire que quand on est ouvrier, on est immunisé contre le coronavirus ? Ben non, il y a un ouvrier de l'usine Renault d'Elbeuf qui est mort du coronavirus hier soir. Ça veut juste dire qu'on sacrifie des gens sur l'autel du capitalisme. Il faut limiter les interactions sociales, donc pas être trop nombreux et nombreuses aux mêmes endroits et appliquer les gestes barrières, sauf en tôle. Ça veut dire que les prisonniers et prisonnières sont immunisés contre le coronavirus ? Ah ben non, les cas se multiplient en prison. Un prisonnier est mort la semaine dernière et il n'y a toujours pas de libération massive de prisonniers. L'État coupe peu de liens entre les prisons et l'extérieur et met en place des mesures d'isolement qui, je le rappelle, est une mesure disciplinaire ou judiciaire. Et dans les centres de rétention, les gens, ils sont immunisés ? Ben non plus. Et si peu à peu des prisonniers et prisonnières sont libérés des centres de rétention, ceux-ci ne sont pas fermés. L'Assemblée a d'ailleurs écarté cette possibilité lors de l'examen de la loi d'état d'urgence ce week-end. Il faut rester chez soi. Et quand t'as pas de chez toi, tu fais comment ? Est-ce que l'État et les collectivités locales ont réquisitionné les logements vides ? Ah ben non, ça veut dire que quand t'as pas de logement, t'es immunisé. Il faut rester chez soi. Et quand t'habites dans un quartier populaire, t'es plus contagieux que les autres ? Ah non. Alors pourquoi 10% des contrôles de mercredi se sont passés en Seine-Saint-Denis ? Pourquoi les keufs plaquent les gens au sol dans les quartiers populaires ? Pourquoi ils frappent des gens qui leur demandent de justifier les amendes ? Ah oui, ça c'est parce qu'ils n'ont pas changé leurs sales habitudes. Des situations bien dégueu, il y en a plein. Et si le gouvernement avait vraiment le souci de la santé publique, il y a un tas de mesures à prendre qui permettraient sûrement que l'épidémie régresse. Au lieu de ça, il fait ce qu'il sait faire le mieux. Protéger l'économie, quitte à sacrifier un bout de ce qu'il ne considère que comme de la main-d'œuvre interchangeable. Imposer des mesures de contrôle total des populations, taper sur la gueule des récalcitrants et récalcitrantes et laisser crever ceux qu'ils considèrent comme des inutiles.